Eh les gars de Virgin, mettez-vous dans le cul, votre budget promo pour les rivières pourpres. Car moi je fais les trucs qui font flipper les homos. Sur les visières des casquettes qu'on aucun logo. Je donne la fraîche rime, shoot les médias, la messerine. Et le gars faut investir, ma sauce c'est de la médecine. Je coupe la taupe avec style, slow flow, vertige. On craque, pas de slow glow, merdique. Pose en osmose, donne des grosses doses. Qu'on quinte les morceaux, ambiance dans un coffre avec un canet corso. Danse dans le turf avec caméo stone. Sur du caméo stone, stone. Pascal Oscos, John Bon Jovi, fallait autre chose. Clore compte snobbies dans le showbiz, tu flippes. Regarde les balles avec nos zones, ils veulent caler aux zones. Voir des plans chauds, des lobes, des dogs, c'est des profs. Sauve les dealers, c'est pas les stats, c'est leur talk show. Bref, mon frère, c'était pas expert, t'as pas les dents. Sauve solide, y'a à boire que de l'eau chaude, Johnny. Tu croyais assis au Marriott, hein? Avec un prenable sur la Marriott. String, bitch, et pario. Mais pour toi, c'est Kill Bill. Fuck, bug, deep beat. Avec un peu de bug sur les jeans. What can I do? Ba-da-ba-ba-ba. Qu'est-ce tu peux faire, mec? Qu'est-ce tu peux faire, mec? Ba-da-ba-ba-ba. Qu'est-ce tu contestes, mec? Qu'est-ce tu contestes, mec? Ba-da-ba-ba-ba. Dis-moi, t'es dans la merde, mec. T'es dans la merde, mec. Ba-da-ba-ba-ba. Mais dis-moi, qu'est-ce tu peux faire, mec? Qu'est-ce tu peux faire, mec? On fait pas le même point, mec. Ouais. On fait pas le même rap. Vu qu'on n'a pas d'égal, bref, on jette pas les mêmes cartes. Balance la vraie prog, mec. Ouais. Annonce la vraie sauce, mec. Tout le monde le sait, qui parle. Qui sont les vraies grosses merdes? T'as toujours rien compris. Ouais. T'aimes toujours bien qu'on dise que Coloquinte, c'est le seul groupe de rap qui t'inspire. Viens pas donner des conseils. Viens pas te coller tes problèmes. On tape comme des vrais promesses. Constate que c'est notre domaine. Ouais, ouais, ouais, les majors sont morts, les doigts. Ballons en force, les gars, les radios s'entendent des baffes. Tu sais, on cartonne encore les mics, harponne encore les charts. Tous les connaisseurs aiment ça. J'ai passé le quart de ma vie à gratter sur des feuilles doux. J'lâche la rime par paquet sur des prods lourds. Ça me fatigue de taper comme un jeune plouc. Allez là, c'est mon tour, j'veux trahir ce jeune loup. Car c'est la dure vie, ouais. J'fais ma musique, c'est ma routine, ouais. J'fais ça pour vivre. D'or, c'est la guerre. Yeah. Mec dehors c'est la merde. Mais tu me parles de quoi faire? Chez toi c'est le bordel. Va au Hyperia. Ouais là c'est la vraie merde, ouais. Et là c'est la vraie guerre. Des balles de crâne, des fesses. Après cette matin Scarface, tu crois pouvoir grimper en affaire, monter un cartel, claquer dans un Benz, c'est ça la classe. Montana fini haché comme un steak. C'est pas ma cam, mec, mais j'ai du rap fresh dans les stocks, rien dans les coms, clair dans les poches. Ba-da-ba-ba-ba. Qu'est-ce tu peux faire, mec? Qu'est-ce tu peux faire, mec? Ba-da-ba-ba-ba. Qu'est-ce tu contestes, mec? Qu'est-ce tu contestes, mec? Ba-da-ba-ba-ba. Dis-moi, t'es dans la merde, mec. T'es dans la merde, mec. Ba-da-ba-ba-ba. Mais dis-moi, qu'est-ce tu peux faire, mec? Qu'est-ce tu peux faire, mec? Ba-da-ba-ba-ba. Mais qu'est-ce tu peux faire, mec? Mais qu'est-ce tu peux faire, mec? Je casse mes soucis sans lui faire porter. Quand c'est le mic rasé, quand le quinté, rien à foutre de toi. Si on n'est pas d'accord, je traîne ma vibe de gladiator. T'es mal décor, je reste des haches fort. On parle les bruits, non pas on parle les dupes. Achète ou grave le tube, je crache le truc. Elle passe ses rudes, elle rappe de bonne répute. Fais gaffe sur qui tu casses dessus. Le mic te crache dessus, on live dessus. Fais gaffe à tout, le temps nous marque. Touche mon mic, tu brûles les soirs. Qu'est-ce que tu prends le chou, la plate? Avoue que le crew de boîte. J'donne le style qui part au quart de tour. En ville ou en bas des tours. Avec un poil d'humour. Et sur le beat j'tire la peau. Et les fakes en fin de fil sur manicours. Sur ma vie t'auras rien du tout. Juste le mic et rasé. Et de toi j'm'en bats les couilles. What can I do?